Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, suite et fin de l'histoire de notre série en deux épisodes consacrés à la pire catastrophe de la marine civile française en temps de paix, le naufrage du paquebot Afrique. Aux premières heures du 12 janvier 1920, par une nuit de tempête et dans des conditions terribles, le paquebot Afrique sombre à 42 km des côtes vendéennes. En quelques minutes, ce navire de plus de 120 mètres de long et d'un poids de 5400 tonnes est englouti dans les eaux glacées du golfe de Gascogne. Nous sommes en plein hiver. Des 602 personnes qui se trouvaient à son bord, dont une grande partie de tirailleurs africains revenus de la Grande Guerre, on ne compte que 34 survivants. Et parmi eux, aucune femme ni enfant. Malgré ce bilan terrible de 568 victimes, l'histoire du naufrage du paquebot Afrique ne va pas susciter l'attention qu'elle mérite, tant dans la presse que dans l'opinion. Au contraire même, après avoir été reléguée au second plan pour cause de campagne électorale, la presse nationale va surtout s'y intéresser lorsque l'affaire s'invitera deux mois plus tard à l'Assemblée. Ensuite, c'est une instruction judiciaire et un procès bâclé qui feront office d'ultime chapitre de cette tragédie maritime, que personne ne commémorera pendant presque un siècle. Durant le récit, vous entendrez certaines archives extraites de la série documentaire « Les oubliés du paquebot Afrique » de Clémence Marie et François Test, diffusée sur France Culture. Notre invité aujourd'hui, comme hier, Roland Mornay, ancien capitaine de navire à l'Iframer. Il est l'auteur du seul livre consacré à cette histoire, ouvrage intitulé « La tragédie du paquebot Afrique », réédité en 2019 aux éditions Le Geste. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dès la première heure lundi matin, le bruit se répandait dans Bordeaux qu'un sinistre maritime venait de se produire au large de l'embouchure de la Gironde. Un peu plus tard, on apprenait qu'il s'agissait du paquebot Afrique de la compagnie des chargeurs réunis. Selon les premières informations dont l'on dispose, le paquebot aurait été pris dans la nuit de samedi à dimanche dans une tempête furieuse dont les conséquences se faisaient sentir depuis l'aube sur tout le littoral. Désemparée par suite d'une avarie de machines, l'Afrique lança des appels de détresse. Plusieurs navires qui se trouvaient dans les parages se portèrent alors immédiatement à son secours. Le premier d'entre eux, le Ceylan, a tenté de le remorquer, mais en raison de l'état de la mer, l'opération fut impossible. Après avoir heurté les récifs, le paquebot Afrique a fait naufrage dans cette mer démontée. Mardi 13 janvier 1920, golfe de Gascogne, mer calme, vent faible, ciel dégagé. Ce matin-là, au large de La Rochelle, les marins-pêcheurs sont les témoins d'un étrange phénomène. Autour de leur navire, sur une surface de plusieurs kilomètres carrés, flottent des débris en bois, en métal et même des ceintures de sauvetage. Lorsqu'ils remontent leur filet, les pêcheurs découvrent, enchevêtrés au milieu de la faune marine, des corps humains, dont le teint blanchi, la peau gonflée et bleutée, traduit un séjour prolongé dans l'eau. À côté de ces cadavres, les marins trouvent aussi des valises, des vêtements, toutes sortes d'objets personnels. À quelques dizaines de kilomètres de là, sur la côte, par endroits, le spectacle est tout aussi macabre. Une dizaine de corps sont retrouvés échoués, certains même démembrés sur les plages et les rochers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de l'île Noirmoutier. Dans les différents ports du littoral, les gendarmes rassemblent, trient et comptent les victimes. Pour les Vendéens, dont la région a été épargnée jusqu'ici par la violence de la guerre, la scène fait figure d'apocalypse. Dans les jours qui suivent, la mer charrie des dizaines d'autres corps. Parmi ceux-là, il y a celui du directeur des chemins de fer du Dahomey, un certain Louis Adenier. Administrateur colonial, il voyageait en première classe à bord du paquebot Afrique. Au micro de Clémence Marie, le petit-fils de Louis Adenier, Alain, raconte comment le corps de son aïeul a été découvert. Le corps de mon grand-père a été retrouvé à l'île Dieu le 26 janvier par deux pêcheurs. et qui ont trouvé le corps de mon grand-père flottant. Donc il était 9h du matin, donc ils l'ont ramené à terre. Et à bord, on a découvert des papiers, ses cartes de visite, qui permettaient de l'identifier comme tel. Le maire de l'Île-Dieu a envoyé ultérieurement à mon père une lettre pour lui dire que mon grand-père tenait de ses deux mains. D'abord, il était vêtu d'une ceinture de sauvetage qui semblait être professionnellement attachée, et qu'il tenait de ses deux mains, il avait une pèlerine, et il tenait de ses deux mains sa vareuse comme pour s'en séparer. Et le maire disait également que, bon, outre la grande souffrance morale qu'il avait dû endurer dans cette tragédie, il n'aurait certainement, à son avis, pas beaucoup souffert, et qu'il avait dû être commotionné, en fait, par l'eau. On était au mois de janvier, il faisait très froid. Un mois plus tard, c'est encore une fois dans les filets d'un bateau de pêche qu'on récupère, cette fois, le corps du commandant Ledoux. Sa ceinture de sauvetage toujours attachée à la taille, le visage et le corps rongés par l'eau de mer. Les restes du commandant sont impossibles à identifier. Seul, l'un de ses doigts, écrasé de son vivant, permet à son frère de déterminer qu'il s'agit bien de lui. La femme du commandant, Ledoux, Anne, avait prié et elle avait espéré retrouver son mari vivant. Les informations parues dans la presse dans les jours qui avaient suivi la catastrophe lui avaient laissé croire en effet que celui-ci s'en était sorti sain et sauf. Elle, qui avait écrit des télégrammes envoyés à la compagnie et longtemps restée sans réponse, a cette fois la réponse à ses questions. Antoine Ledoux, son mari et père de leurs 6 enfants, est mort. Il sera enterré à Paimpol sous le regard de sa femme enceinte. Pour ce qui concerne les 200 tirailleurs sénégalais, les voyageurs de troisième classe, le registre de bord ne mentionnant qu'un simple numéro et pas de nom, il est très difficile de connaître l'identité exacte de ceux qui sont morts ou portés disparus. Comble de l'ironie de cette histoire, ils seront enterrés par les prisonniers de guerre allemands, oui, ceux-là même qu'ils avaient combattu pour certains à Verdun, pour d'autres dans la Somme ou ailleurs dans l'Est. L'un d'eux, qui n'était pas à bord du paquebot, racontera par la suite le calvaire de tous les combattants venus d'Afrique pendant la guerre. Nous, les Sénégalais, on a été engagés à la bataille en Gironde avec les Allemands. Malgré tout ça, on a enlevé 2 positions à l'Allemand. À Verdun, en 19 juillet, en 1916, se reçut une blessure sur la cuisse droite. Cela, c'est rien. Ça sent chaud, chaleur chaud, mais... Celle-là, c'est mon sang qui coule. C'est dit quand même, celle-là, ce n'est rien. C'est pour la France. Après mes blessures, je me suis pansé avec un pansement individuel, humide. Je me mets à continuer le combat avec mes camarades sénégalais. Nous, Sénégalais, nous serons contents qu'après la guerre, nous serons rendus bien chez nous et trouver notre famille. Pendant les semaines qui suivent, chaque week-end, malgré un froid glacial, les plages du littoral vendéen sont prises d'assaut par des curieux, chercheurs de trésors amateurs et même des bandits à la recherche de pépites, du paquebot Afrique ou d'autres choses. La rumeur prétend que certaines passagères avaient emporté à bord tous leurs bijoux. Une autre affirme que le coffre-fort du bateau renfermait à lui seul plus de 20 millions de francs. Cet argent était celui que le pape avait donné à l'évêque Hyacinthe Jalabert pour la construction de la cathédrale de Dakar. Si personne ne retrouvera le corps de l'évêque, ni même son argent ou ses effets personnels. En revanche, et comme l'expliquera plus tard Roland Mornay, un objet précieux qui lui appartenait sera finalement découvert. Ce qui aurait été retrouvé, c'est la crosse de Monseigneur Jalabert. Cet emblème épiscopal, tout en or, paraît-il, aurait été trouvé à Noirmoutier. Alors, cette crosse, comment est-elle arrivée là ? Il est peu probable que l'évêque ait dit « Prenez ça les gars, ça sera toujours ça de sauver ». On pense qu'elle était volée. Puis il y a l'histoire, c'est une histoire un petit peu shakespearien à la Noirmoutrine. La main du diable se sera imprimée sur la vitre des personnes qui avaient volé la canne à l'évêque. Et puis ils avaient beau essuyer, la main du diable apparaissait tout le temps. D'autres ont dit que la crosse avait été trouvée par un chalutier de l'île Dieu. Alors moi je m'imaginais, étant mousse, hein, avec le poisson, une crosse d'évêque qui arrive avec le poisson. Mais je crois bien que c'est presque certain que c'est un noirmoutier. Pour la prestigieuse compagnie des chargeurs réunis, l'armateur de l'Afrique, le naufrage de l'un de ses paquebots est évidemment une catastrophe. Mais nullement sur le plan humain, non. C'est sur le plan financier et de l'image que la compagnie veut limiter les dégâts. Or, plusieurs familles l'accusent de ne pas avoir mis tout en œuvre pour retrouver les disparus ou tenter une opération de sauvetage au lendemain du drame. C'est le cas notamment de M. Poiraton, un Rochelais dont le fils, Charles, un jeune aviateur de 28 ans, était parmi les passagers du paquebot Afrique et dont le corps n'a pas été retrouvé. Dans une lettre ouverte publiée dans la presse régionale, il exige qu'on lui livre les causes exactes de la tragédie qui a coûté la vie à son fils. Il pointe du doigt la compagnie qui, soit par ignorance, soit par esprit mercantile, aurait laissé le paquebot Afrique lever l'ancre et continuer sa traversée dans l'estuaire de la Gironde malgré une voie d'eau sur la coque. Plus grave encore, M. Poiraton rappelle que le lendemain du drame, alors que le paquebot avait coulé à tout juste 40 km des côtes, pas plus, et malgré une météo calme, aucun navire n'était parti pour tenter de porter assistance à tous ceux qui auraient pu survivre au naufrage. Face à l'émoi que l'affaire suscite dans la région, la compagnie des chargeurs réunis fait appel à un homme au profil bien particulier, un dénommé Monsieur de la Taille, un spécialiste de ce genre d'affaires. C'est ce qu'on appelle un liquidateur. En l'espace de quelques semaines, il débarrasse l'employeur des détails administratifs encombrants et des formalités d'assurance. En coulisses, il va aussi faire comprendre aux pêcheurs de la région qu'il serait mieux pour tout le monde qu'aucun nouveau cadavre ne revienne sur la côte, comme l'explique Roland Mornay. La compagnie a essayé de payer le moins possible, hein, l'employé de la compagnie qui était là, il y en avait au Sable-d'Olonne d'ailleurs, à chaque découverte de corps, disait aux pêcheurs de Saint-Gilles notamment, écoutez les gars, si vous trouvez des corps en mer, laissez-les parce qu'on ne peut plus les identifier. Et les pêcheurs ramenaient quand même les corps. Parmi les familles des victimes, beaucoup réclament une enquête pour connaître les circonstances exactes du naufrage. Et il se trouve que les événements qui se sont déroulés à bord de l'Afrique, dans la nuit du 11 au 12 janvier, seront relatés dans les comptes rendus écrits par deux des survivants de la catastrophe. Le premier, c'est le lieutenant Jean-Baptiste Thibault. Le second, c'est le commandant second, Eugène Corret. Dans le rapport qu'il écrit 4 jours après la catastrophe, Corret pointe la conjonction d'une météo dantesque, de la voie d'eau et d'une collision entre le paquebot et le bateau phare pour expliquer le naufrage. Le samedi 11, en début de soirée, j'étais à ce moment-là dans la salle des machines et chaufferies et constatais que tout devenait inutile, qu'il ne restait plus qu'à évacuer. La dernière dynamo en marche stoppa et l'évacuation fut décidée. Il était environ 20 heures. Le navire, travers à la lame des vagues, se comportait assez bien, quoique ayant une forte bande sur tribord. Poussés par le vent et la mer de l'ouest, nous étions envoyés vers le plateau de Rochebonne. Nous étions à peu près certains de rencontrer les hauts fonds. Malheureusement, la fatalité nous poussa sur le bateau phare que nous abordons vers 22 heures par tribord de vent et par le travers de la cale. Eugène Corret détaille les chocs répétés pendant presque 10 minutes avec le ponton du bateau phare qui vient s'écraser sur la coque du paquebot. Et il poursuit. Immédiatement, nous nous sommes portés sur l'avant du navire et avons constaté une forte voie d'eau dans les aménagements des troisième classe. Devant l'impossibilité de stopper l'eau, le commandant Ledu a fait évacuer les passagers et le personnel et fermer toutes les portes étanches de ces différents compartiments. Ensuite, l'équipage a tenté de descendre à l'eau les baleinières, sorte d'embarcation de sauvetage rudimentaire pour évacuer les passagers. Une fois à l'eau, une grande partie d'entre elles ont chaviré à cause des vagues énormes. Seule la baleinière numéro 5, avec justement Corret et Thibault à son bord, a réussi à prendre la mer et rejoindre la côte. Si les rapports de Corret et de Thibault comportent par moments de légères différences, probablement dues à leur position à bord du navire par instant. Le témoignage des deux hommes confirme un point. Le capitaine Ledu, marin expérimenté, fidèle aux règles de sa profession et à celle de son honneur, a réagi comme le prévoit le code de la marine marchande en cas d'avarie et de situation de danger à bord. Il est resté sur son navire jusqu'à la fin et il a sombré avec lui. Dans un poème qu'il écrira par la suite, l'historien Georges Duplessis raconte. C'est là-bas, au pays lointain des épouvantes, que l'Afrique sombra sous les vagues hurlantes. La tempête le prit, jeta sur les écueils sa cargaison humaine, oh, quels immenses deuils. L'ouragan les saisit, la grande dévorante. Hélas, les engloutit dans les remous que hante la mort implacable. Es-tu contente, ô mort ? Le Boche t'a servi, tu vis en plein essor. Ô vous qui reposez dans les forêts marines, voyageurs et soldats, matelots que les mines ont engloutis, et vous, nobles femmes, enfants, enveloppés dans la fureur des ouragans. Malgré l'ampleur du drame, malgré une région endeuillée, malgré des familles toujours à la recherche de leurs proches, le naufrage du paquebot Afrique et de 662 passagers ne s'affiche pas en une de la presse nationale. Le lendemain de la catastrophe, et dans les jours qui suivent, à 500 km des côtes vendéennes, à Paris, dans les kiosques à journaux du boulevard Saint-Germain, par exemple, les titres de presse sont tous consacrés à l'élection présidentielle. La bataille que se livre le ministre de la guerre, Georges Clemenceau, qu'on surnomme le Tigre, et le très influent président de la Chambre des députés, Paul Deschanel, occupent toutes les unes. Seul le quotidien Le Matin évoque le drame de l'Afrique. Et puis, ceci explique certainement cela. Il n'y avait personne de connu sur l'Afrique, comme si la vie d'un people était plus précieuse que celle d'un lambda, et surtout plus que celle de 200 tireurs sénégalais. L'une des pistes également évoquées par les historiens, c'est le contexte de l'après-guerre. En ce début d'année 1920, la France tente d'oublier les plaies de 4 ans d'horreur qui ont fait 1,5 million de morts pour autant de blessés, mutilés, invalides. Dans cette atmosphère de convalescence, le drame du paquebot Afrique était-il de trop ? Une autre hypothèse, un temps évoquée, concernerait des pressions que la compagnie des chargeurs réunis aurait exercées sur certains journalistes ou publications pour éviter que ces derniers n'évoquent trop l'affaire. Rien ne viendra jamais confirmer ou infirmer cette idée d'une implication de l'armateur dans une éventuelle opération de censure. Pourtant, l'affaire du naufrage du paquebot Afrique s'apprête à faire un retour spectaculaire 2 mois plus tard, et cette fois sur les bancs de l'Assemblée nationale. Makele pa, 1, 2, ancien combattant, on a soukele. Makele pa, et 1, 2, ancien combattant, on a soukele. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Fidje, mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'aquerait pas. Et 1, 2, ancien combattant, on a soukéré. M'aquerait pas, et 1, 2, ancien combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Bichangi, mon chéri, ho, y'a cadavéré. Avec les coups de matraque, tout ta coupe t'attra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavérés, les gardes de corps cadavérés, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavres, ton deuxième bureau cadavres, la bière cadavres, le champagne cadavres, le whisky cadavres, le vin rouge cadavres, le vin de palme cadavres, les soulards cadavres, music club cadavres, tout le monde cadavres, moi-même cadavres, marquez-les pas, y'a un, deux, anciens combattants, on a soukéré, marquez-les pas, y'a un, deux, anciens combattants, on a soukéré. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, le sifflet cadavres, même les ballons cadavres, les équipes cadavres. Les noirs cadavres, les palais du Congo cadavres, Cara cadavres, les lions indomptables cadavres, les léopards cadavres, les diables roses cadavres, les journalistes cadavres, la radio cadavres, la télévision cadavres, les stades cadavres, les supporters cadavres. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Jeudi 18 mars 1920, Assemblée nationale. Il est un peu plus de 15h lorsque la Chambre des députés se réunit dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Aujourd'hui, 37 parlementaires se sont inscrits pour prendre la parole lors de la séance de questions sur les conditions du naufrage du paquebot Afrique, navire de la compagnie des chargeurs réunis, transportant marchandises et passagers à destination de Dakar et qui a sombré 2 mois plus tôt au large des côtes vendéennes. Le bilan de cette tragédie est toujours provisoire, mais il dépasse les 500 morts et des corps continuent toujours de s'échouer sur les plages de la Vendée. Aujourd'hui à l'Assemblée, des pointures du monde politique se sont inscrites sur la liste des orateurs pour s'exprimer sur le sujet. Parmi elles, Léon Blum, Léon Daudet, Georges Mandel ou encore Marcel Cachin. Et d'entrée de jeu, les débats démontrent une grande agressivité entre la droite et la gauche. Si chacun des intervenants se défend de vouloir donner une tournure politique à l'affaire, certains députés relaient de fausses rumeurs et racontards ou se lancent dans des déclarations outrancières. D'autres, à l'inverse, posent les bonnes questions et en profitent pour pointer la responsabilité du gouvernement. C'est le cas du député de la Charente-Inférieure, Octave Lorraine. Inscrit dans le groupe de la gauche radicale, il s'en prend d'abord au prévisionniste météo, avant de lire des extraits de lettres poignantes qu'il a reçues de certains de ses administrés. Enfin, le député de la Charente-Inférieure tire ce constat. Ma troisième question est beaucoup plus grave, car elle est de nature à engager de la façon la plus lourde la responsabilité de la marine. Comment se fait-il que l'Afrique, se trouvant à moins de 100 km de Bordeaux et faisant appel à des secours, n'ait vu aucun bateau répondre à son appel? Ah, je sais, il y avait une raison. C'est qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun bateau de sauvetage dans les parages. Or, cette omission-là, monsieur le ministre, c'est un crime. Ensuite, c'est le député du centre droit, Pierre Dignac, qui, lisant à la tribune une lettre écrite par l'un des mécaniciens du paquebot Afrique à son épouse, s'insurge contre la compagnie qui semble avoir tout fait dans la précipitation pour assurer ses bénéfices commerciaux au détriment de la sécurité des passagers. Puis c'est Alphonse Rio qui prend la parole. Député maire de Quiberon, en Bretagne, il rappelle que le navire avait été expertisé avant le départ et déclaré apte à la navigation. Il insiste également sur le rôle de l'équipage, qui, très expérimenté, a pris le départ, car il estimait que le navire était sûr pour naviguer. À l'inverse, le député du Finistère, Émile Gourde, dénonce, lui, et je le cite, « un navire poubelle qu'on voulait faire partir à tout prix et dans les temps et qui illustre bien les vices de la société capitaliste ». L'opposition de gauche tente d'impliquer et d'incriminer le ministre de la Marine et donc le gouvernement. La droite, elle, réagit avec colère et à la tribune, le président de séance doit agiter son marteau en bois pour interrompre les invectives et rétablir le calme. Fait rare à l'Assemblée, la virulence et l'intensité des débats obligent le président de la Chambre à prolonger la séance le lendemain pour permettre à chacun de s'exprimer. Le rapport de la commission d'enquête menée à La Rochelle reprend la plupart des éléments présents dans les témoignages du commandant en second, Corée, et du lieutenant Thibault. Une trame chronologique est dressée. La première voie d'eau, la météo déchaînée, la tentative d'assistance du paquebot Ceylan, la panne de moteur, la collision d'Afrique avec le bateau phare et enfin son naufrage. L'un des points qui n'est pas évoqué dans le rapport et qui va par la suite susciter de nombreuses questions, spéculations, c'est la possibilité que le paquebot Afrique ait été en réalité victime d'une collision avec l'épave d'un autre navire lorsqu'il a franchi l'estuaire de la Gironde. Parmi ceux qui jugent possible un tel scénario, il y a Roland Mornay. La cause première, moi j'en suis presque certain, l'Afrique a dû toucher les vestiges d'une épave immergée, une épave d'un navire de commerce coulé par les Allemands pendant la guerre 14-18. Je pense en particulier à la Vendée. Alors la Vendée, c'est un bateau, curieusement, c'est un bateau anglais. Mais peut-on dire que la Vendée a coulé l'Afrique ? Je ne sais pas. Mais l'État n'a jamais voulu reconnaître que la cause première du naufrage de l'Afrique ait été le fait que l'Afrique a touché une épave. La première voie d'eau, on a dit, ben voilà, on ne sait pas. Voilà. Et le commandant Ledoux, ni personne à bord n'a pensé que cette première voie d'eau pouvait être mortelle. Ce n'était pas sa faute, à mon avis. Juin 1927, tribunal de commerce du Havre. 7 ans après le naufrage, s'ouvre le grand procès de la catastrophe du paquebot Afrique. Au terme d'un marathon judiciaire et de plusieurs rendez-vous manqués par la justice à Bordeaux, à Rouen et au Havre, la compagnie des chargeurs réunie est cette fois convoquée devant le tribunal. Elle, qui jusqu'à maintenant avait manœuvré pour retarder, voire empêcher la tenue d'une audience, se retrouve désormais sur le banc des accusés. Au total, sur la centaine de plaintes qui ont été déposées par les familles des victimes, au départ, il en reste aujourd'hui 70, enfin le jour du procès. Notons au passage que lors des audiences, il ne sera jamais question du sort des 200 tirailleurs sénégalais qui ont embarqué à bord de l'Afrique et dont 179 ont été déclarés disparus lors du naufrage. À la barre, l'avocat de la compagnie présente les certificats délivrés par le bureau Veritas, document qui autorisait le paquebot Afrique à prendre la mer à Bordeaux ce 9 janvier 1920. Les réparations avaient été faites et respectaient le cahier des charges de sécurité, affirme l'avocat. De l'autre côté, les défenseurs des familles s'appuient sur les déclarations posthumes des mécaniciens et membres de l'équipage encore en vie pour accréditer la thèse d'une faute de la compagnie. Bien plus tard, le petit-fils de Louis Adonier, administrateur colonial, victime de ce naufrage lui aussi, racontera comment sa grand-mère s'est battue pour aller jusqu'au procès et comment le jugement final lui a laissé un goût bien amer. Ma grand-mère a eu le courage de poursuivre la compagnie. Alors il fallait du courage, il fallait aussi de l'argent. C'était parfaitement légitime qu'on se pose des questions. Au résultat final, la compagnie des chargeurs réunis a été absoute de toute faute. absolument de toute faute. Bon, je ne sais pas si je peux parler de complaisance, mais les experts n'ont pas été nommés par n'importe qui. Eux-mêmes étaient des capitaines de long cours, donc vous voyez, il y a une espèce de cohésion qui se fait. Et puis, on peut aussi penser qu'il y a eu, au niveau de l'État, une volonté de faire en sorte que la compagnie des chargeurs réunis, après tout, ne soit pas, je dirais, entièrement mise en cause dans ce naufrage. En juin 1932, la cour d'appel de Rouen rend un arrêt définitif dans cette affaire. Le naufrage du paquebot Afrique est considéré comme un accident. Personne ne peut donc être tenu responsable de la catastrophe. La faute n'a pas de chance, en quelque sorte. Ainsi, la compagnie des chargeurs réunis ne sera pas condamnée à verser des dommages et intérêts aux familles des victimes. Non, rien, pas un centime. Pire, les parties civiles sont condamnées à dédommager la compagnie, mais oui, pour les frais de justice qu'elle aura déployés tout au long de la procédure. Le dernier chapitre de cette histoire s'écrit un mois plus tard, au mois de juillet 1932, à La Rochelle, lors d'une vente aux enchères d'un genre un peu particulier. Sur les tables de présentation, des objets non réclamés par les familles et les proches des victimes de la catastrophe du paquebot Afrique se prépare à être vendu. Il y a là des bijoux, des objets en tout genre. Aujourd'hui, un siècle après le naufrage, les mêmes questions sont toujours sans réponse dans cette tragédie. Comment et pourquoi le paquebot Afrique a-t-il sombré dans les eaux du golfe de Gascogne, à quelques dizaines de kilomètres des côtes de Vendée, dans la nuit du 11 au 12 janvier 1920? Comment cela fut-il possible? Rappelons que sur la pancarte à l'entrée du bateau, comme sur les autres à cette époque, était inscrite la mention « À vos risques et périls ». Blowing France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaire sensible, effectivement, le naufrage du paquebot Afrique, deuxième épisode, la quête de vérité, dont nous allons parler en duplex de France Bleu à La Rochelle, avec notre invité Laurent Mornay, bonjour. Oui, Roland Mornay, oui, il est là, bonjour. Bonjour, donc vous étiez là hier, pour le premier épisode, et vous êtes là aujourd'hui, oui. C'est tout à fait logique. Capitaine au long cours à la retraite, ancien marin pêcheur, ancien commandant sur des navires de l'Ifremer, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous étudiez depuis 20 ans les archives et les bibliothèques pour retrouver, synthétiser toutes les informations qui existent sur ce naufrage, documents météo, articles de presse de l'époque, enquêtes, archives, qui vous ont permis d'écrire le seul livre consacré à cette affaire et intitulé « La tragédie du paquebot Afrique », réédité en 2019 aux éditions Le Geste, ce qui fait de vous une personne très légitime pour en parler, bien sûr, mais pas seulement, puisque nous aurons d'ailleurs au téléphone pendant l'interview la petite fille du commandant Ledoux, Marie-Christine Ledoux. Alors, hier, vous nous expliquez, Roland Mornay, pourquoi, et on l'a redit dans le récit, on ne va pas y revenir, pourquoi on n'a pas beaucoup parlé de cette affaire, qu'elle est tombée plus ou moins dans l'oubli. Mais pour aller plus loin, concernant le comportement de la presse locale de l'époque, et notamment le petit journal, le journal La Petite Gironde, on voit quand même que c'est très confus sur le récit du naufrage, allant même jusqu'à affirmer, pour ce qui concerne La Petite Gironde, hein, que le commandant Ledoux aurait survécu. Comment vous expliquez toute cette confusion autour de cette affaire? Est-ce qu'elle est volontaire pour noyer le poisson, si j'ose dire, et sans mauvais jeu de mots, ou est-ce parce que la presse n'a pas fait son travail? Pas du tout. Les journalistes n'ont pas de connaissances maritimes, et c'est aussitôt après le drame. Et oui, je voudrais dire, tout d'abord, je ne suis pas l'avocat de la compagnie des chargeurs réunis, là, mais on a dit beaucoup de mal de la compagnie tout au long de l'émission. Alors, je ne suis pas l'avocat de la compagnie, je n'ai aucun intérêt, mais je défends la vérité. Moi, je ne crois pas que la compagnie ait fait de faute, hein. En toute conscience, hein, je suis un ancien marin. J'ai pluché, si je puis dire, l'affaire pendant des années et des années. Et je ne crois pas. Elle a cherché à payer le moins possible. Après, pour la découverte des corps, bien sûr. Mais dire que le bateau avait une voile d'eau au départ de Bordeaux, j'ai entendu aussi des outrances. Enfin, je peux pas détailler tout cela. Mais pour moi, il n'y a pas de mystère de l'Afrique. Je voulais le dire. Il y a eu, comme l'ont dit certains, un concours inouï de fatalité. Ça peut se dire aussi des causes nombreuses et cumulatives. Oui. Ce que j'ai appelé, moi, les malchances de l'Afrique. Ah oui, il y a eu une série de malchances. Et alors, vous dites que la compagnie n'a pas fauté. En quoi n'a-t-elle pas fauté, très précisément? Ah ben, le bateau était en état, la machine était peut-être usée, le bateau avait navigué pendant toute la guerre, c'était sa 58e sortie, mais le bateau avait moins de 12 ans, il avait une épaisseur de tôle plus importante que celle demandée, le chantier, on l'a dit, un chantier sérieux, anglais, l'épaisseur de tôle 18 cm au-delà de ce qui était demandé. Et puis il est sorti dans des... La mer n'était pas déchaînée, hein. Il y avait du mauvais temps. Il est sorti à mi-marée avec le courant, ce qu'on appelle le courant de jusant, courant descendant. Non, il n'y a pas de faute de ce côté-là. D'accord. Alors les outrances dont vous parlez, on s'en est fait les coups, oui. Ce sont les outrances des politiques, hein, notamment du débat et même pendant le procès. Comment vous expliquez que ça ait déclenché un débat politique comme ça à l'Assemblée? Vous êtes penché là-dessus aussi? Ah oui, bien sûr. J'ai, comment vous expliquez ce débat? Ça, je l'ai écrit parce qu'on en a parlé sans doute pendant un moment. Et puis voilà, ça permettait aussi à la droite et la gauche de s'asticoter, si je puis dire. Je vois Marcel Cachin qui disait « Il faut en finir avec les compagnies de navigation, il faut en finir avec la société capitaliste ». Alors bon, ça ne faisait pas avancer l'affaire. Il a dit ça plusieurs fois. Hein, Et il y a cela, mais autrement, il y a des personnes qui ont dit que la compagnie des chargeurs réunis a eu de façon particulière, l'État l'a couvert, en quelque sorte, parce que pendant la guerre, la compagnie a navigué pour l'État. mais presque toutes les compagnies de navigation naviguaient pour l'État pendant la guerre. La compagnie Borde, c'était pour amener du nitrate du Chili. D'autres compagnies, c'était pour le charbon d'Angleterre. Mmh. Et tout cela, ça, on ne peut pas se dire. On accusait aussi l'inspecteur de la navigation d'être de connivence avec la compagnie des chargeurs et également les affaires maritimes. Mais ça, non, ça ne tient pas. Et la compagnie des chargeurs unis avait aucun intérêt à envoyer ce bateau à la mort. Hein. Non, c'était pas à la fois pour leur publicité et puis mais quand même. Et la compagnie des chargeurs unis, c'est une compagnie sérieuse. Enfin, bon, je le crois, hein, je me suis beaucoup renseigné, voilà. Oui. Alors, concernant les tirailleurs sénégalais, donc on a vu à quel point on faisait bien peu cas d'eux. Est-ce que finalement cette catastrophe, c'est une photographie de la France, de ce qu'était la France à cette époque, presque une métaphore dramatique et aussi une réalité dramatique. Mais est-ce que c'est l'image de la France de cette époque? Oui, c'est possible. On les envoyait défendre la mère patrie. Et c'était le terme utilisé. Certains étaient partis de leur village de Brousse depuis 1912. Certains ont combattu toute la guerre. La plupart des Africains qui étaient à bord de l'Afrique, des tirailleurs, avaient combattu à Salonique. Donc ça aurait été la raison pour laquelle ils étaient démobilisés plus tard. Et ils étaient au nombre, tout d'abord, c'est 192, très exactement, et ils étaient parqués, là, le mot peut se dire, au camp du Cournau. Le camp du Cournau, c'est un camp près d'Arcachon, dans des baraquements qui contenaient deux fois plus de tirailleurs que de personnes prévues, quoi. Autrement, sur le bateau, ils étaient pas en troisième classe, hein, ils étaient ce qu'on appelle dans le faux pont, dans l'entrepont, dans la partie supérieure de la cale, mais séparée de la cale, comme étaient logés, si je peux dire, les Européens, les soldats européens, les sans-grades. C'était pas le confort d'une cabine, mais voilà, c'était pas dans des conditions déplorables. Vous avez entendu le témoignage dans le récit d'un tireur sénégalais. C'était extrêmement touchant, cette conviction qu'il avait de défendre la patrie. Effectivement, il était français, mais sénégalais. Et c'est touchant quand même. Oui, bien sûr. Oui, c'est émouvant d'écouter cela. D'ailleurs, bien peu non seulement sur l'Afrique, mais beaucoup ont été blessés ou sont morts au front. Bien sûr. Et il y en a qui sont morts aussi en allant à bord du Sequana, notamment, hein, la moitié de l'effectif, 198 sur 400, hein, sont morts au sud de l'île-Dieu. C'était au sud de l'île-Dieu, c'est en juin 1917. Et aussi ces jeunes Africains allaient aussi défendre la mère patrie. Et déjà à l'aller, au voyage de l'aller, la moitié, 98 sur 400, ont disparu. Très bien, on se retrouve dans quelques petites minutes après avoir écouté Hubert Félix Thiéfen, la fin du roman. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi. Suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Là-bas, au loin, les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le naufrage du paquebot Afrique, deuxième épisode. Nous en parlons avec notre invité Roland Mornay. Mais nous allons également inviter, convier une autre voix, une autre personne, la petite fille du commandant Leduc, qui est un personnage mythique hein, de cette histoire, le commandant parfait qui reste sur son bateau jusqu'au bout, presque une figure héroïque. Bonjour Marie-Christine Ledu. Bonjour Fabrice. Alors à tous les auditeurs qui se diraient, mais Marie-Christine Ledu, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas la voix qu'on a entendue de longues années sur France Inter? Eh bien c'est la voix, c'est elle, Marie-Christine. Donc je suis ravi de vous accueillir à distance. Merci. Chez vous. Alors, je suis une des nombreuses petites filles, je ne suis pas la seule. Oui. Nous sommes 133 descendants aujourd'hui. D'accord, bon. Mais combien de petits-enfants? Il y a directement 6, c'est ça? Alors, combien il y en a? Antoine, ouais. Donc mon grand-père, oui. Et Anna, sa femme, ont eu 6 enfants. Voilà, et si, c'est quand ça. Antoine a disparu en février de 1920, eh bien Anna attendait un 7e enfant qui est né moins de 2 mois plus tard, en fait, après le naufrage. Et cet enfant ne vivra que 8 mois. Et mon papa était le dernier de ses 6 enfants et lui avait 18 mois quand son père a disparu. Alors, il vivait à Paimpol, dans cette localité de la magnifique côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor, c'est bien ça, hein? Il vivait à Paimpol, il était né à 4 kilomètres de là, à Plourivaux. D'accord. Alors, quelle trace déjà cette affaire a laissé dans la région? Alors, écoutez, moi, dans la région, ce que je sais déjà, c'est qu'il y avait plusieurs marins, hein, qui étaient, et vous l'avez dit d'ailleurs dans la première émission, qui étaient originaires de Paimpol et aussi de la région, et de plusieurs départements bretons. Aujourd'hui, ce qu'il reste à Paimpol, il y a mon grand-père, il est inhumé dans un des cimetières de Paimpol, puisque son corps a été retrouvé, comme vous l'avez dit également, et donc nous allions sur sa tombe quand nous étions enfants. Mmh. Et il y a aussi une corniche qui porte son nom, Antoine Marie Ledu à Paimpol. Donc il y a une corniche à Paimpol. Donc je sais qu'on en parle encore et que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous retrouver à Paimpol pour en parler. Mais quand nous étions enfants, nous allions en fait chaque année au cimetière pour le 1er de novembre devant cette tombe. Et c'est vrai que ça a été dans son malheur la chance pour ma grand-mère de récupérer le corps de son mari. Si on peut parler de chance. Donc, en fait, l'occasion de nous retrouver dans ce cimetière. Et puis, nous avons eu aussi l'occasion de nous retrouver lors de l'inauguration d'une stèle, hein, comme en parlait Monsieur Mornay, à la mémoire des 568 morts. Et puis, voilà. Et on s'est retrouvés aussi, et ça a été magnifique, lors du centenaire, de la commémoration du centenaire, à près de 70 descendants. 70. Donc, je parle plutôt de la mémoire de la famille. Voilà. Et l'image de ce grand-père dans la famille, maintenant, j'imagine que c'est une figure, peut-être une icône. À quoi ressemblait-il d'ailleurs? Vous avez des photos, j'imagine? Ah bah oui, nous avons tous des photos, mais il n'y avait pas de photos partout, en tout cas chez nous, il n'y avait pas de photos partout. Il n'y a pas de culte, quoi. Non, il n'y a pas eu de culte. Cette mémoire, elle a été entretenue, et peut-être plus d'ailleurs par la troisième, la quatrième et aujourd'hui la cinquième génération. Grâce au réseau, grâce au livre, grâce au livre de Monsieur Mornay, grâce aux retrouvailles lors de commémorations. Et je pense que nous sommes la première, la deuxième génération. Bon, voilà, on allait sur la tombe, mais on n'en parlait pas plus que ça. C'était quelque chose de peut-être de trop pénible, de trop triste pour nos oncles et tantes qui étaient encore là à l'époque. Alors vous avez réécouté, évidemment, vous connaissez l'histoire, mais vous avez réécouté les deux émissions d'Affaires Sensibles. J'ai envie de vous poser la question, vous qui étiez journaliste, on reste toujours journaliste, même à la retraite. Est-ce que c'est une métaphore, une image de la France de cette époque-là? Est-ce que ça vous donne ce sentiment, vous, tout ce qui s'est passé autour? Tout à fait. Tout à fait. Mais Monsieur Mornay l'a très bien dit. Et c'est vrai que moi, j'ai eu bien sûr l'occasion de lire ce livre. Et puis, avec les cousins, il y a des cousins plus âgés qui, eux, ont une connaissance aussi parfaite. Ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que la mémoire de ce grand-père, bon, ce grand-père, il est là, mais on oublie souvent les femmes, en fait. Oui. Et il y a aussi notre grand-mère. Et cette grand-mère qui se retrouve, bon, femme de marin, hein, comme beaucoup de femmes de marin, qui se retrouve avec ses 6 enfants âgés de 10 ans à 17 mois, le 7e à naître, et dont la vie a été totalement bouleversée. Parce que, bien que femme de commandant, je ne crois pas qu'elle ait pu être indemnisée de quoi que ce soit, pas plus d'ailleurs que les autres marins d'ailleurs. Mais sa vie, elle ne devait pas rester à Paimpol. Le voyage devait se terminer au retour de Dakar, l'enfant allait naître, et ensuite il était prévu, ils avaient déjà acheté une maison à Bordeaux, et il était prévu qu'ils s'installent à Bordeaux. Donc c'est la vie de toute la famille en fait qui a été bouleversée. D'accord. Et même mon père, qui était âgé de 17 mois quand il a perdu son papa, mon père, quand il est devenu adulte et en âge de choisir un métier, il aurait aimé être marin. Et ça, il nous l'a raconté. Mais il n'en était absolument pas question. Donc, sa maman l'a envoyé à l'autre bout de la France, à l'époque, dans les années 30, à l'autre bout de la France pour apprendre l'horlogerie. Vous imaginez? Et donc, la mère, elle était très très loin. Bah oui. Bon. Merci infiniment, Marie-Céline, de votre témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Mornay, pardon, il nous reste une minute, je voulais aborder avec vous la question de l'épave, de l'argent, de l'évêque, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là autour de l'épave? Ah ben, l'épave appartient à l'État. La compagnie a fait abandon de l'épave, article 216 du Code de commerce, qui maintenant n'existe plus, ce serait plus possible maintenant. Les plongeurs trouvent quelquefois des petites choses sur l'épave. L'épave appartient à l'État. D'accord. Il y a eu autrement les corps, on n'en a pas trop, non, mais on a assez plus parlé. Oui, mais on a plus de temps. Ils ont dérivé jusqu'en Bretagne. Hein, jusqu'en Bretagne. On a trouvé jusqu'à l'île de Sein. D'accord. Roland Mornay, oui. Excusez-moi, c'est vraiment la fin de l'émission. Je voudrais vous remercier une seconde fois d'y avoir participé deux fois pour nous faire partager toutes les infos que vous avez pu recueillir dans votre livre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et puis bonjour Madame Ledu, si elle m'entend. Oh oui, je pense qu'elle vous entend. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le naufrage du paquebot Afrique, deuxième épisode d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Sylvie Fagnard, Sophie Bobert et Adrien Cara. Attaché de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labrouillère et Philippe Pirard. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Coe. Come on.